Les trois derniers poèmes choisis sont regroupés avec d'autres à la fin du recueil, sans sous-titre spécial. La dernière fête galante. Pour une bonne fois, séparons-nous, très chers messieurs et si belles mesdames. Assez comme cela dépita l'âme, et puis là, nos plaisirs furent trop doux. Nul remords, nul regret vrai, nul désastre. C'est effrayant, ce que nous nous sentons d'affinité avec les moutons enrubannés du pire poétastre. Nous fûmes trop ridicules, un peu avec nos airs de n'y toucher qu'à peine. Le dieu d'amour veut qu'on ait de la laine. Il a raison, et c'est un jeune dieu. Séparons-nous, je vous le dis encore. Oh, que nos cœurs, qui furent trop bêlants, dès ce jour-d'hui réclament, trop hurlants, l'embarquement pour Sodome et Gomorre.